Chapitre 2e, une aventure d'amour. Bernard Lambert lui conta l'aventure de Jeannine. Elle était une modeste employée lorsqu'il l'avait connue 6 mois plus tôt. Il l'avait aimée tout de suite, mais sans lui révéler d'abord qui il était. Il avait voulu, pour éprouver son amour, n'être pour elle qu'un simple employé. En dépit de cette fonction, peut-être à cause d'elle, Jeannine l'avait passionnément aimée. Ce n'est qu'ensuite qu'il lui révéla tout. Jeannine, qui vivait seule à Paris, était sage. « Ma famille, lui disait-elle, c'est toi, toi seule, puisque je suis orpheline. » Bernard, connaissant ce cœur qui lui apparaissait si pur et cette solitude qu'elle ne révélait jamais sans qu'une larme coulât sur sa joue, avait décidé de faire de Jeannine sa femme, bien que celle-ci ne lui eût jamais demandé ce témoignage. Mais l'ingénieur lui aussi, sans famille proche et libre, voulait régulariser une intimité si heureuse. Elle avait quelques années plus tôt perdu sa mère. Déjà, elle était depuis son enfance orpheline de père. Elle était d'extraction semi-bourgeoise. Ses parents, petits commerçants, avaient fait des affaires médiocres. Elle n'avait pour vivre que le fruit de son travail de secrétaire, qu'une fort bonne instruction lui permettait d'exercer. Son nom était plébéien et très commun, Durand, Jeannine Durand. Et puis l'autre jour, soudain, le drame, l'inexplicable drame, avait éclaté. Bernard rentrait de son usine. Jeannine, contrairement à son habitude, n'était pas là. L'heure du dîner passa. Inquiet, il entra dans la chambre de Jeannine. Dans une coupe, sur la table de chevet, il trouva tous les bijoux de la jeune fille, sauf une petite bague qu'elle possédait quand il l'avait connue. Toutes ses robes étaient là, à l'exception de celle qu'elle avait apportée de chez elle et qu'elle ne mettait plus. Elle avait abandonné tout ce qui était luxe. À coup sûr, elle avait voulu s'éloigner sans rien prendre ou garder de ce qui avait été sa vie riche. Bernard interrogeait avidement le policier. Où allait-elle? Pourquoi prenait-elle le métro Réaumur? Paul Barr n'en savait pas plus que l'ingénieur. Il ne lui avait pas révélé encore que Jeannine, quand il l'avait vue, n'était pas seule. Il hésitait. Il attendait la question. Elle ne pouvait tarder à venir. Alors il y répondit franchement, mais sans inutile insistance. Pour lui, l'affaire était simple. Jeannine avait tout simplement quitté Bernard pour un autre ami, un autre amant sans doute. Tout le démontrait. Le geste tendre du jeune homme qui lui prenait le bras, l'attitude également tendre de la jeune fille se serrant contre lui. Il hasarda. Au moment où j'ai vu Mademoiselle Jeannine, un homme l'accompagnait. Un homme? Un homme jeune? Oui. Semblait-il avoir ensemble quelque intimité? Oui. Bernard Lambert était devenu très pâle. Il chancelait. L'inspecteur crut qu'il allait tomber. Il s'avançait déjà pour le soutenir, mais l'ingénieur se reprit. Il passa la main sur le front. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Impossible. J'étais si sûr de son amour. L'amour de Jeannine ne trompe pas, ne peut pas tromper. Je ne suis pas un naïf, monsieur. Je connais la vie. Nous nous adorions tous les deux. Comme dans les romances populaires, c'était le bonheur. » Puis il s'abîma dans une crise de sanglots. « Excusez-moi, monsieur. Je vais vous paraître bien faible, bien lâche. Mais je l'aimais, je l'aime. Je l'aime tellement. Vous êtes toute mon espérance. Si vous me la retrouvez, ce n'est pas 100 000 francs. Une misérable promesse qu'il fallait bien faire pour attirer l'attention du public. Je doublerai cette somme, je la triplerai, la quintuplerai. » Paul Barr l'interrompit. « Non, monsieur, d'abord, je ne me charge pas de l'enquête ni des recherches. Et en outre, je n'accepterai aucune récompense, ceci est formel. » « Pardonnez-moi, » fit Bernard Lambert, « mais j'aurai en vous tant de confiance. » Il avait dit cela d'un ton si fervent que Paul Barr en fut touché. « Soit, » dit-il, « je serai moi aussi fort heureux de vous être utile. De toute façon, il est entendu que je n'ai aucune espèce de rémunération. » « Mais vous pouvez avoir des frais qui... » Paul Barr sourit. « Monsieur, cette affaire, ces disparitions m'intéressent. C'est un cas singulier. J'aime mon métier. » Vous me donnez l'occasion d'une enquête qui peut être passionnante. C'est ma seule récompense. Quand vous me connaîtrez mieux, vous me comprendrez. À bientôt, et bon espoir, monsieur Bernard Lambert.